crois-moi. Vous écoutez France Bleu Limousin, c'était Gaëtan Roussel à l'instant avec Adeline Leveau. Crois-moi, croyez-moi, on peut garder son ordinateur longtemps, frais comme un gardon, comme on dit, parce que ça s'entretient, un ordinateur. C'est ce que nous dira tout à l'heure Fanny Malek. Dans le numérique, ça s'explique, ce sera un petit peu après 16h30. D'ici là, Alexandre Pain en direct de l'Université de Limoges, Jean-Claude Boulesté pour les infos pratiques, et puis notre série, espèce de tout poil avec l'asso, SOS Faune Sauvage dans une minute. France Bleu Limousin, partenaire du briefpratique.com et l'appli Le Guide Pratique. Retrouvez gratuitement, en quelques clics, les infos utiles de votre ville sur votre mobile ou sur la nouvelle édition du Guide Papier. Il est disponible gratuitement à la mairie, à l'office du tourisme et chez les commerçants et artisans partenaires. Avec France Bleu Limousin. Espèce de tout poil, c'est pas vous que je traite comme ça, c'est juste le titre de la série proposée cette semaine par Anthony Terrade. Et dans Espèce de tout poil, cette semaine, c'est Maude Dubeuf, présidente de l'association SOS Faune Sauvage, qui est avec nous. Bonjour Maude. Bonjour. Alors, il y a une annonce importante, c'est que vous allez bientôt déménager, vous accueillez donc des oiseaux pour l'instant. Mais ça va changer. Effectivement, ça va changer puisque nous concrétisons un long et beau projet depuis 6 ans. Voilà, on va enfin pouvoir déménager. Nous avons un terrain qui nous a été réservé et nous sommes en train de finaliser les derniers plans, etc. Nous sommes soutenus à 80% du budget par la région Nouvelle-Aquitaine et l'Union européenne via les fonds FEDER. Donc on fait un appel aussi à toutes les générosités qui voudraient venir compléter. Et parmi elles, on est éligible à J'adopte un projet organisé par Limoges Métropole pour nous aider à financer ce qu'on appelle l'opération Casse-Noisette, pouvoir avoir une aire de réhabilitation des écureuils. Voilà, donc cette aire de réhabilitation, ça va concerner d'abord une nurserie, une infirmerie, avec tout le matériel adéquat, des éleveuses, des lampes chauffantes, des tapis, plein de tétines qui sont spécifiques et qui coûtent relativement cher à l'unité. Et puis ensuite, des aires extérieures pour que nos petits écureuils puissent apprendre à se développer, à vivre ensemble aussi et pouvoir retrouver la vie sauvage par la suite. Il y a un comportement particulier à adopter face à un écureuil? Alors, face à un écureuil, si c'est un bébé, un tout jeune écureuil, comme pour un oiseau, le mettre dans un carton au calme, encore une fois, même si c'est tout mignon, ce qu'on veut, c'est qu'il retourne à la vie sauvage. Donc, on va éviter de lui faire des caresses, de se prendre en photo avec. Déjà parce qu'il va devenir familier. Et pour nous, ça va être plus compliqué ensuite de le rendre sauvage pour qu'il puisse se débrouiller tout seul dehors. Et en plus, parce que ça va pouvoir le stresser et du coup, engendrer des soucis, voire même la mort avec l'arrêt cardiaque. Donc on va éviter de les stresser. Et si on a face à un écureuil adulte, on va faire attention aux morsures de ces petites bêtes. Merci Maude Dubeuf, présidente de l'association SOS Faune Sauvage, actuellement à Verneuil-sur-Vienne. À Verneuil-sur-Vienne. Ils vont bientôt déménager. Vous retrouvez toutes les infos sur francebleu.fr. Et dans la suite de cette série, à partir de demain, à 16h15 exactement, présentée par Anthony Terrade, SOS Faune Sauvage. Votre après-midi sur France Bleu Limousin, tout à l'heure, les infos pratiques avec Jean-Claude Boulesté. Je vous l'ai dit, on va aussi soigner notre ordinateur, mais auparavant, on va aussi soigner notre Alexandre Pain, qui est en direct de l'Université de Limoges, les 4e rencontres littéraires et musicales. Alexandre, c'est à vous. Oui, Christophe, alors on n'est pas encore à l'Université de Limoges, ça sera ce soir. On est du côté de l'espace Emera, c'est dans le centre-ville. Okay. De Limoges où il y avait une table ronde avec des artistes qui étaient présents et là on est parti sur une signature d'autographe sur les livres. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de bruit autour de nous. On est resté dans l'ambiance et on accueille les différents intervenants qui étaient sur cette table ronde. On a eu il y a quelques secondes Eve Ruggieri et Thibaut Covin nous rejoint. Bonjour Thibaut. Bonjour. Vous devez repartir Thibaut, donc on essaye de faire vite, on va pas vous embêter longtemps. Vous repartez c'est du côté de Bordeaux. D'être là. Je retourne à Paris. Je suis né à Bordeaux en effet, toujours attaché à mes racines, mais ma maison est à Paris en ce moment. Ça fait du bien de venir dans cette ville limougeaute quand même. Mais j'adore, d'autant que c'est une ville vraiment amie. C'est la 4e fois, je crois, que je viens ici. Et c'est toujours un bonheur. Et je viens encore dans quelques mois. Puis cet été, c'est un bonheur. Donc votre venue ici dans le cadre des rencontres musicales et littéraires, si on va sur votre site internet, il y a écrit que vous êtes né avec une guitare à la main. L'expression, vous l'aimez cette expression? elle est quasiment vraie. Mon père est guitariste, la musique était omniprésente dans ma maison depuis petit garçon. Et en effet, le français est ma langue maternelle et la guitare ma langue paternelle. J'ai ce même rapport tout à fait naturel qui m'accompagne depuis toujours et que j'aime par-dessus tout. Tout à l'heure, Ruth Giry a eu des mots très forts sur les faits actuels dans le monde et que la musique était là aussi pour rapprocher les cœurs, pour rapprocher toutes les populations. Vous avez également ce sentiment-là que la musique est ultra importante dans notre société actuelle. Il y a un mot qui est revenu beaucoup dans la table ronde, c'est le mot transmission. Très important. Tout à fait. Moi, je crois que la poésie, traduite dans mon cas par la musique, c'est peut-être une des clés de la paix, de la joie, du bonheur et de l'apaisement. Et c'est vrai que moi, j'ai revendiqué ça dans ma vie. J'ai joué dans 120 pays. J'ai eu cet appétit d'essayer d'aller jouer au bout du monde, pour tout le monde, pour tous, dans des grands théâtres parfois prestigieux, des rêves d'enfants qui se réalisaient. Mais le bonheur aussi pour moi était de jouer le lendemain dans des petits villages reculés d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, du bout du monde. Et de voir qu'au final, quand je joue une même partition, que ce soit au Carnegie Hall de New York ou sur une plage du Cap Vert, et ben d'assister au fait que les gens sont touchés aux mêmes endroits, aux mêmes passages, que ce soit le grand sage très cultivé de Vienne en Autriche et puis le petit garçon du Cap Vert, et bien en fait ils ont les mêmes cœurs. La musique est universelle. Je crois et on a finalement tous une sensibilité semblable et en tout cas j'aime me dire qu'on a le même cœur même si on n'a pas toujours les mêmes envies, les mêmes idées, etc. Être sur scène, vous, c'est votre façon de transmettre les choses, de transmettre des émotions. La guitare, vous le disiez, vous avez joué dans le monde entier. Être comme ça devant un public et de parler, de ne pas avoir sa guitare pour s'exprimer, mais votre voix, c'est plus compliqué ou alors ça me plaît aussi beaucoup. Et j'ai développé ça avec le temps d'essayer de m'exprimer autrement qu'avec ma guitare. C'est vrai que la guitare, elle est dans ma vie depuis toujours. C'est la suite de mon âme. C'est la suite de votre bras également. C'est ça. Mais j'ai beaucoup aussi de plaisir. J'ai écrit ce livre que je suis heureux de faire découvrir ici, à corde et à cœur, qui est notre moyen de communiquer chez vos collègues de France Musique. C'était une série radiophonique que j'ai eu un bonheur fou à vivre. Et donc j'essaye, le temps passant, je suis de plus en plus amené à d'autres moyens d'expression. Ça me plaît beaucoup, bien que, bien sûr, ma maison, ma vie, c'est les scènes de concert. Bon, parfait. Merci beaucoup, Thibaut Covin. Vous restez encore un petit peu ici ou pas? Ouais, encore quelques heures et puis encore je m'envole ailleurs, heures. Comme toujours. Donc n'hésitez pas à venir le voir. Si vous avez le livre de Thibaut Covin à faire dédicacer, il sera là pour échanger avec vous. Et vous allez pouvoir échanger également avec tous les artistes qui sont présents pendant ces quatrièmes rencontres musicales et littéraires. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est un bonheur. Et on vous accueille toujours avec plaisir également. Je suis ravi d'être là. Merci. Bonne journée. Christophe Besson, voilà, Thibaut Covin qui était avec nous. On va continuer dans quelques secondes. Ibrahim Malouf sera à notre micro et Akira Mizubayashi également viendra nous voir, l'auteur japonais qui sera au micro de France Bleu Limousin. Voilà, super. Christophe. Voilà, après la guitare, ce sera la trompette et puis la plume un petit peu plus tard. Merci, à tout à l'heure, Alex. Too Young To Die, voici en musique Jamiroquai. Il sera presque 16h30, l'heure de retrouver l'info pratique. Les infos pratiques de Jean-Claude Bolesté. Distance, say, saying loud, we're too young to do. Rocaille à l'instant sur France Bleu Limousin. Dans votre 16-19, allez, les infos pratiques, les dons du sang, les permanences également avec Jean-Claude Boulesté. La faculté de médecine de l'université de Limoges recherche toujours des volontaires pour jouer le rôle de patient ou de patiente dans le cadre de la formation des étudiants de la faculté. Ça peut être une expérience intéressante et en plus c'est rémunéré. Pour en savoir davantage, vous nous passez un petit coup de fil, on tient à votre disposition les coordonnées 05 55 34 5000. Collecte de sang demain jeudi à l'EFS. L'EFS, c'est l'établissement français du sang. Rendez-vous à Brive, 8 rue Vincent Chassin, donc rendez-vous de 13h30 à 19h30 demain jeudi. Permanence de l'ADIL, l'agence départementale d'information sur le logement de la Haute-Vienne. Demain jeudi, rendez-vous à la maison du département, 47 boulevard de l'Hôtel de Ville de Saint-Thierry, entre 9h30 et midi. Et autre permanence, 25 rue Firmin de Lage à Limoges, c'est à la caisse d'allocation familiale de 14h à 17h. On termine avec le Chaubreuil, Quesaco le Chaubreuil. Ce sont des ateliers et un projet théâtral participatif. Pour sait-on jamais susciter des vocations. C'est à l'initiative du Théâtre de l'Union de Limoges. C'est gratuit, uniquement sur inscription. Les ateliers se dérouleront soit dans le CCM de Beaubreuil ou au Théâtre de l'Union. Rendez-vous du lundi 23 octobre au 4 novembre. Nous tenons à votre disposition un numéro de téléphone si vous souhaitez en savoir davantage et si vous souhaitez vous inscrire. Vous nous passez un petit coup de fil. Le nôtre, le numéro, vous le connaissez, 05 55 34 5000. Voilà, n'hésitez pas à venir vous renseigner auprès de Sabine, 34 5000. C'était Jean-Claude Boulesté pour les infos pratiques. Tout à l'heure, dans 20 minutes, eh bien, vous avez fait le calcul, bravo, il sera 16h50, on parlera de bouquins avec le coup de cœur de Mimi Libri. Mimi Libri, c'est la librairie à Ussel qui fait aussi café, salon de thé. Et elle a eu un petit coup de cœur quand même pour un écrivain. Alors déjà, Myriam, si vous préférez Myriam Yekiel. Elle avait un premier livre de Serge Chalandon qu'il avait tellement bradassé, comme on dit, qu'elle hésitait à le relire. Elle vient de le faire. Elle a encore un de ses coups de cœur. Elle nous raconte ça tout à l'heure dans 20 minutes. Alexandre Pain et nos invités musiciens, écrivains, à l'occasion des 4e rencontres littéraires et musicales à Limoges, à l'université, à l'espace Emera pour être tout à fait précis. Et puis dans une minute, on chouchoute notre ordinateur. Dans l'immédiat, on vous chouchoute, vous aussi, on vous accompagne sur la route. Il y a toujours ce piéton signalé sur la 20. Soyez extrêmement prudent. Faites attention si cette personne n'est pas prudente, soyez-le à sa place. Dans le sens Paris-Toulouse, à Salon-la-Tour, vous avez vraiment, vraiment fait attention à partir de ce point repère 232. D'autres incidents à vous signaler, et notamment sur le nord de la Haute-Vienne. C'est pas des incidents, ce sont des travaux. Allez, sur la Nationale 145, des travaux d'entretien à la hauteur de Saint-Sornin-le-Lac. Ce sera comme ça jusqu'au 25 octobre prochain, à partir du point repère 22. Et puis oui, cet incident-là, c'est cette fois-ci sur la 89, un véhicule arrêté dans le sens Bordeaux-Lyon, à la hauteur de la Bachellerie Saint-Viance. Hein. On reste dans la Corrèze, à partir donc du point repère 157. L'infotrafic 100% local, avec les meubles et cuisines Emery, meubles, salons, literie, cuisine et dressing sur mesure, route de Limoges à Argenton-sur-Creuse. Mettons un coup de projecteur sur les pros, avec Cerise de Groupama. Mais Jacques, vous ne pouvez pas continuer à travailler avec des béquilles, voyons. Si je m'arrête, Cerise, je n'ai plus de revenus. Et si je ferme, ici, il n'y aura plus de commerce. Avec les solutions de prévoyance Groupama Pro, nous pouvons assurer jusqu'à 100% de votre revenu en cas d'arrêt de travail. Ah, mais c'est très bien, ça. Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les soutenir. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Savez-vous qu'il est possible de désigner le Secours Populaire Français comme bénéficiaire de votre assurance vie ? Oui, et j'ai souscrit une assurance vie en faveur du Secours Populaire. Je leur fais confiance pour agir concrètement pour un monde plus juste et plus solidaire auprès des personnes qui en ont le plus besoin, près de chez moi, en France et dans le monde. Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Limousin, ici, on parle d'ici. Et en ce moment, ce sont les premières journées nationales de la réparation. Et ça a inspiré Fanny Malek aujourd'hui pour notre rendez-vous. Le numérique, ça s'explique parce que, bien, il faut y penser, bien sûr, prolonger la vie d'un ordinateur. D'abord parce qu'on s'habitue à son ordinateur. C'est un compagnon, mais effectivement, quand on en change, souvent on est un peu perdu, un peu paumé. Et puis, sachez aussi qu'il y a un chiffre assez effrayant quand même. La durée de vie moyenne d'un ordinateur portable est d'à peu près de 3 à 5 ans. Ces chiffres m'ont vraiment agacée. Mais pourquoi est-ce qu'on produit encore des objets qui tiennent si peu? Est-ce que les gens jouent au frisbee avec? Ou bien l'obsolescence programmée aurait-elle encore frappé? Bon, je pense qu'on a tous la réponse. À la bonne heure, la durée d'un ordinateur fixe, elle, serait de 8 ans. C'est déjà un peu plus long que l'ordinateur portable. Ça veut aussi dire qu'avant d'en acheter un neuf, on a intérêt à le faire réparer. Et surtout, à le bichonner. Bonjour Fanny, je suis ton ordinateur préféré. C'est vrai, j'aime bien quand tu me bichonnes. Mais moi aussi, j'aime bien te bichonner, Paul. Oui, j'ai surnommé mon ordinateur Paul, ça le rend plus sympathique. Voici quelques astuces pour faire vivre votre ordi plus longtemps, quel que soit son modèle. Déjà, l'entretien, c'est la clé. Il faut le dépoussiérer régulièrement, sinon la saleté peut l'endommager. Fanny, n'oublie pas de parler des produits ménagers. J'ai horreur de ça. Ah oui, merci pour le rappel. Oui, attention, si vous nettoyez l'écran et le clavier, évitez les produits ménagers agressifs. Un chiffon doux, ça suffit et c'est moins abrasif. Autre petit conseil, votre ordinateur, il aime pas trop la chaleur. Gardez-le dans un endroit frais. Si c'est un ordi portable, évitez de l'utiliser sur le lit ou sur le canapé, même si je sais qu'on y est bien. Ne l'utilisez pas non plus à l'intérieur de votre voiture en plein cagnard, ni dans votre four, évidemment, ça n'est pas adapté. Le numérique, ça s'explique. Vous n'avez pas non plus besoin de le laisser charger en permanence. C'est comme si vous preniez café sur café sur café. Ne branchez votre ordi portable que s'il en a vraiment besoin et éteignez-le quand vous ne l'utilisez pas. Pensez aussi à fermer les logiciels que vous n'utilisez plus, justement. Ça lui demandera moins d'efforts. Je confirme. Ah, on est d'accord, Paul. Enfin, essayez aussi de faire ces mises à jour régulièrement. Je sais, il y en a toutes les deux secondes, mais ça permet d'augmenter la sécurité de votre ordinateur. Avec tout ça, si votre ordi ne tient pas 10 ans, on ira rouspéter auprès des fabricants. Oui, puis on tient à le signaler aussi, on ne prête pas Paul. Enfin, Fanny n'est pas prêteuse, son Paul, elle le garde. Merci, allez, demain on vous écoutera prolonger la vie de nos smartphones. Il faut aussi en prendre soin, parce que sinon, évidemment, que les fabricants se frottent les mains. Toutes vos recommandations, on les retrouve, les recommandations de cette chronique. Le numérique, ça s'explique sur francebleu.fr et sur l'appli. Ici France Bleu, France 3. Rendez-vous donc demain au petit soin pour nos smartphones. Juste après, Alain Souchon et la balade de Jim. Ce sera la balade d'Alexandre Pain de cet après-midi qui est du côté des 4e rencontres littéraires et musicales de Limoges à l'université, organisée par l'université, mais salle Emera pour être tout à fait précis. Balade de Jim, Souchon. Jimmy, t'es fort, mais tu pleures. 16h40 en direct de l'Université de l'Espace Éméra, pour être précis. Alexandre Pain, les quatrièmes rencontres littéraires et musicales battent leur plein, j'ai l'impression. Exactement, Christophe Besson, et on ira ce soir du côté de l'Université de Limoges, plus précisément du côté de la Faculté de Droit. À notre micro, Nadine Cognier, responsable du développement et de l'animation de la politique culturelle à l'Université de Limoges. Nadine Cognier, dans la continuité de ces rencontres musicales et littéraires, ce soir, direction la Faculté de Droit pour le challenge musical organisé par l'Université de Limoges, co-organisé avec la municipalité d'Ille, je crois, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est le 12e challenge musical organisé par l'Université de Limoges, service culturel. Okay. C'est une soirée récurrente que l'on fait depuis 12 ans et qui permet de valoriser les talents de l'université, qui fait l'objet d'une fête de rentrée de l'université et qui est depuis toutes ces années parrainée par une personnalité de renom. Et cette année, puisque nous avions hier Ibrahim Malouf en concert et cet après-midi c'était pour les rencontres. C'était là où il était, c'était à Ille hier, c'est ça? Exactement. Voilà, c'est ça. Il a accepté de rester 2 jours et donc le point d'orgue, ce sera cette soirée de challenge musical ce soir en sa compagnie. Alors comment ça va se passer concrètement? Donc il va être président du jury de ce challenge musical. C'est quoi? C'est des étudiants de l'Université de Limoges qui vont venir sur scène? Exactement. On valorise l'étudiant artiste, en fait. On valorise les talents de l'université. On aura aussi 2 personnels de l'université qui se prêtent au jeu. Et en fait, oui, on va leur demander d'interpréter un morceau de musique ou une chanson. Accompagnés ou pas, voilà, ils s'accompagnent, ou ils sont compositeurs. Ils sont 17 à passer sur scène et le jury va délibérer pour faire un classement et attribuer un prix aux 3 premiers lauréats. Et des talents, il y en a beaucoup à l'Université de Limoges. Il y en a beaucoup à l'Université de Limoges. On en a sélectionné 17 parce que dans une soirée, on ne peut pas en prendre plus, malheureusement. Le choix était difficile, mais je pense que les spectateurs seront très contents d'apprécier ces talents. Avoir un parrain comme Ibrahim Malouf, qui a, on peut le dire, un peu démocratisé la trompette, parce que c'est vrai, moi j'ai une trentaine d'années, c'est vrai qu'il m'a fait découvrir, il m'a fait aimer la trompette. Justement, ça crée une proximité peut-être avec les étudiants également? Oui, ça crée une proximité. Ibrahim, c'est quelqu'un qui est très ouvert, qui est pédagogue depuis très longtemps et qui participe déjà à des émissions de ce type-là et qui va sans doute créer du lien et valoriser les étudiants et apprécier leur travail d'artiste, en fait. Organiser comme ça des événements culturels de ce type pour l'Université de Limoges, c'est primordial, ça fait partie des missions de l'Université de Limoges? Ça fait partie, bien sûr. L'Université de Limoges, je le disais hier soir, est un lieu de culture. Et plus il y a de culture, mieux c'est pour l'éducation des jeunes, pour fédérer, pour leur épanouissement, pour valoriser leur engagement des étudiants. C'est plus il y a de culture et mieux c'est. Voilà, je pense que ça fait partie de nos missions et de l'élargir le plus possible. Ce soir, nous aurons des étudiants qui viennent de Paris-Sorbonne, de Poitiers également. Et c'est important de fédérer, de travailler tous ensemble pour que la culture soit bien présente et le plus présente possible dans nos établissements. Donc, démocratiser le plus possible la culture sous toutes ses formes, une culture diversifiée pour tout le monde. Merci beaucoup Nadine Cognier, responsable du développement et de l'animation de la politique culturelle. C'est ouvert à toutes et tous ce soir? C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Il y aura par contre, dans le cas de Vigipirate, des consignes. Mais bien sûr, c'est gratuit et on accueille tout le monde. C'est ouvert à tout public. Rendez-vous donc du côté de la faculté de droit de Limoges ce soir. Merci beaucoup, merci. Nadine Cognier. On continue nos rencontres et justement, Ibrahim Malouf, on en parlait avec Nadine Cognier il y a quelques secondes. Il sera à notre micro de France Bleu Limousin. On parlera de son album. Oui. On parlera également de sa venue ici à Limoges. Et puis, on va parler de sa relation avec la musique. On aura un petit peu de temps après 17h, donc ça va être vraiment sympa d'avoir Ibrahim Malouf à notre micro on tout à l'heure. On va se régaler, oui, avec son 15e album studio qui s'appelle Capacity to Love. Il y a des collaborations de dingue, de folie. On écoutera quelques petits extraits. On va se faire un gros plaisir avec Ibrahim Malouf. En tout cas, merci et à tout à l'heure, mon cher Alexandre. France Bleu Limousin vous invite à découvrir le Festival de l'accordéon de Chamberet. Musette assurée par des artistes venus de toute la France du 17 au 23 octobre. Pour cet événement musical et populaire, France Bleu Limousin sera en direct de Chamberet samedi 21 octobre de 16h à 18h. En direct et aussi pour vous faire vivre l'amour hein, de ce soufflet à frissons, de ce piano à bretelles, comme vous voulez. Alors, votre boîte à frissons, si on peut dire ça comme ça. Allez, deux places pour le festival d'accordéon. Elles sont pour vous. Vous aimez l'été dansant, l'ambiance musette. Eh bien, sachez que le dimanche 22 octobre, le lendemain, notre grand direct entre 16 et 18 heures, à partir de 15h, ce sera le grand thé dansant animé par Bernard Rual. 05 55 34 5000. Vos deux places vous attendent. Elles sont là. 05 55 34 5000. Le temps de faire un petit triolet et vous avez gagné. C'est l'euphorie dans votre concession Renault Fori. Jusqu'au 31 octobre, 400 véhicules toutes marques à prix coûtant. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Attention, stock limité, il n'y en aura pas pour tout le monde. Conditions dans vos concessions Fori Renault à Brive, Limoges, Saint-Junien et Tulle. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Aussi sur France Bleu avec Je partirai juste après. Vous restez là parce qu'on va vous parler d'un ouvrage et c'est le coup de cœur de Mimi Libri à Ussel de la librairie qui fait aussi café, salon de thé. Ça sera juste après ça. Dites-moi si je dors ou si je suis bien là. Je ferme les stores, cherche la lumière en moi. Dans mon corps, il doit bien y avoir ça. Dites-moi si on ne m'aime plus tant que ça. Ici la haine tue, putain je ne comprends pas. Pourquoi moi je leur sers d'appât. Je partirai quand ça sera plus la fête. Quand les étoiles seront ternes pour rester éternelle. Je partirai au milieu de la tempête. Je trace comme une comète. Tu sais rien ne m'arrête. Je partirai. Je partirai. Regardez-moi, je m'écroule. Sortez vos caméras. Je me jette dans vos bras et surtout gardez un bout de moi. M'en voulez pas si je me fais un film ou un drama. Je marche sur un fil qui se défile sous mes pas. Cherche un endroit, un toit pour être moi. Je partirai avec Oshi tout à l'heure. À venir en musique, les Gibson Brothers et le fameux Cuba. Il est 5h10. Myriam Michelin, dit Mimi, Mimi Libri à Ussel, nous livre son coup de cœur. Le coup de cœur du jour, c'est notre libraire du jour. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Alors vous avez choisi, Mimi, de nous parler d'un auteur et puis d'un ouvrage. Mais en ce qui concerne l'auteur, vous avez attendu longtemps avant de reprendre un de ses ouvrages. Il s'agit de Sorge Chalandon. Tout à fait. J'ai connu Sorge Chalandon avec son livre « Une promesse », qui a été un livre qui m'a vraiment bouleversée, qui m'a beaucoup marquée. Et puis, je n'ai pas osé lire autre chose de Sorge Chalandon, pensant que voilà, je ne retrouverai pas cette magie. Et puis là, il y a quand même un ouvrage, un titre qui vous a intéressé. Et bien, vous n'êtes pas déçu. Alors, absolument pas. Je regrette même de ne pas avoir lu plutôt d'autres livres de Sorge Chalandon. Donc le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est son titre « L'Enragé », qui est sorti donc au mois de septembre, qui est un livre qui est à la fois beau et très violent. Donc c'est l'histoire de Jules Bonneau, que l'on surnomme « La Teigne », qui va être emmené au bagne qui se trouve sur l'île de Belle-Île-en-Mer, qu'on appelle la Colonie. Donc c'est un lieu d'une violence inouïe où les enfants sont emprisonnés, sont battus, subissent la loi du plus fort, que ce soit des enfants enfermés, que ce soit des gardiens. Et donc nous allons suivre le chemin de Jules Bonneau qui a la rage au ventre de par son histoire. Et Jules Bonneau, en fait, représente Sorge Chalandon, qui lui aussi a été un enfant battu dans son enfance. Et donc, son héros va supporter, en fait, cette rage. Et on va dire que le but de ce roman, c'est de montrer que, quelle que soit la rage et la colère que l'on peut avoir en soi, rien n'est définitivement perdu. On peut un jour desserrer les poings. Donc c'est un petit peu un bout de son histoire à lui. Il est plutôt bien placé pour raconter l'histoire de ce Bonneau. Tout à fait. C'est-à-dire que lui, bon, dans son enfance, a été battu par son père. Et donc il s'est échappé en fait de sa famille à l'âge de 17 ans. Et alors l'histoire de ce bagne, voilà, c'est le bagne a existé. Hein, ça, c'est une histoire vraie. Mais il inscrit voilà son histoire personnelle en retransposant sa vie dans la rage et la colère de la teigne. C'est un livre qui est violent, hein, voilà, ça castagne, ça se bat, on casse des dents, enfin, il y a des supplices, des tortures, enfin, c'est vraiment un livre qui est très très dur, mais à la fois, on est dans le sillage de Jules, et on suit, en fait, cette vie avec, nous aussi, avec la rage au ventre. Oui, et moralité, ça reste quand même un livre optimiste, puisqu'il le dit, quel que soit le parcours, aussi cabossé soit-il, on peut tout de même s'en sortir, c'est un petit peu le message. Voilà, donc dans ce livre, bon, après avoir vécu des choses vraiment horribles, Jules Bonneau va rencontrer en fait des personnes, des résistants, on va dire, bretons, qui vont lui tendre la main et qui vont donc lui apprendre à desserrer ses poings, à laisser sa colère de côté, même si ça va être très difficile pour lui, hein, on le verra jusqu'à la fin, mais c'est ce qui va lui redonner foi en l'humanité. Ça s'appelle L'Enragé aux éditions ? Aux éditions ? Alors aux éditions Grasset. Merci Mimi Libri. À bientôt. Hudson Brothers dans votre 16-19 sur France Bleu Limousin. L'actualité revient dans 3 minutes. On reviendra notamment avec Marine Le Génie sur les nombreuses alertes à la bombe aujourd'hui, notamment dans les aéroports en France. Alerte aussi sur l'A20. On nous signale toujours ce piéton sur la chaussée, donc sur l'A20, dans le sens Paris-Toulouse à la hauteur de Salon de la Tour. Donc toujours signalé au point repère, à partir du point repère 232. Vous êtes vigilant à sa place, on va dire ça comme ça. Sur la route, sinon du côté de Limoges, un petit peu plus haut, il y a un poids lourd en panne dans le sens Paris-Toulouse. Il est sur la bretelle de sortie de l'échangeur 28, la sortie Angoulême. Il est en début de bretelle, soyez prudents. Poids repère 174, le sens de circulation Paris-Toulouse. L'infotrafic 100% local, avec les meubles et cuisines Emery, meubles, salons, literie, cuisine et dressing sur mesure, route de Limoges à Argenton-sur-Creuse. Vivez votre soirée basket sur France Bleu Limousin, la radio officielle du Limoges CSP. Le Limoges CSP se déplace mieux qu'il ne reçoit. Plus de victoires à l'extérieur qu'à Beaublanc. Alors direction l'Ain et sa préfecture, Bourg-en-Bresse. C'est la 8e journée du championnat de France Betclic Elite. Et suivez au plus près notre Limoges CSP, nos basketteurs dans nos Limousins Sports, 100% supporters, FranceBleu.fr, nos réseaux sociaux et l'appli ici France Bleu. Et pour le match, ce sera ce samedi à suivre en direct et en intégralité avec les commentaires de Jérôme Osterman. JL Bourg, Limoges CSP, ce samedi 21 octobre, coup d'envoi 18h30. France Bleu Limousin, la radio officiel du Limoges CSP. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux? Comme quoi, le plus gros effort pour bien entendre, c'est encore de pousser la porte. Et oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. La 9e édition des Journées Limousines, c'est le week-end du 21 au 23 octobre au Champ de Juillet à Limoges. Beauval et Pleine Maison Aquitaine vous donnent rendez-vous pour 3 jours de festivités dédiés à l'excellence limousine. Au programme, concours et vente aux enchères de taureaux et vaches limousines, concours des élèves apprentis, table ronde, dégustation de produits haut de gamme et nombreuses activités. Entrée gratuite avec restauration sur place de 10h à 18h30. Pour plus d'infos, suivez l'événement sur Instagram et Facebook, les Journées Limousines. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Limousin. Nous sommes bel et bien le mercredi 18 octobre, il est 17h. On retrouve tout de suite l'actualité. Marine Le Génie. Plusieurs aéroports régionaux et le château de Versailles évacués aujourd'hui. Depuis vendredi et l'attentat d'Arras, les fausses alertes à la bombe se multiplient et mobilisent forcément à chaque fois, Aurélien Tirard, de nombreuses forces de police. Comme dans ce lycée parisien cet après-midi, alerte générale, les policiers reçoivent un appel. Une élève vient de se faire agresser à la machette par un individu. Les équipes d'intervention de la BRI se déplacent immédiatement, sauf qu'il s'agit d'un canular, un de plus. Mais à chaque fois, les policiers doivent réagir dans l'instant, avec un protocole lourd. Au château de Versailles, évacué 3 fois depuis ce week-end, une 60aine de personnes interviennent à chaque fois. Des démineurs jusqu'à 5 chiens du raid ou de la gendarmerie spécialisés dans la recherche des explosifs. Et pendant ce temps, environ 10 000 personnes évacuent les lieux. 168 écoles sont concernées depuis la rentrée. Les médias aussi. Les équipes de France 3 à Reims ont évacué leur bâtiment hier. Au musée du Louvre, les démineurs ont dû inspecter ce week-end 60 000 mètres carrés pendant tout un après-midi. Le laboratoire central de la police parisienne a été mobilisé. Et après, il s'agit de mettre la main sur les auteurs de fausses alertes. Un travail difficile commence alors pour les enquêteurs spécialisés dans le cyber. Pour rappel, faire une fausse alerte est puni de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Aurélien Tirard pour France Bleu. Un peu plus de 350 élèves n'ont pas respecté la minute de silence en hommage à Dominique Bernard, tué à Arras, et à Samuel Paty. Bilan revu à la hausse par le ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui. Parmi ces incidents, un élève a menacé de mettre une bombe. 2 se sont réjouis qu'un prof soit mort. Ces élèves seront exclus, assure Gabriel Attal. 24 Français sont morts, 7 sont portés disparus et plusieurs probablement en otage dans la bande de Gaza. Voici le dernier bilan français donné aujourd'hui par Elisabeth Borne devant le Sénat cet après-midi. Paris a par ailleurs rapatrié 3500 Français d'Israël depuis l'attaque terroriste du Hamas, israéliens et palestiniens qui aujourd'hui se rejettent la faute après l'explosion d'un hôpital de Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas affirme qu'au moins 200 personnes ont été tuées. Le président américain est en Israël depuis ce matin. Joe Biden vient de donner une conférence de presse et annonce un accord avec Israël pour l'acheminement d'une aide humanitaire à Gaza via l'Égypte. Vous avez les détails et le dossier complet sur francebleu.fr. Total Energy va continuer de plafonner le prix de ses carburants à 1,99€ le litre pendant toute l'année 2024 et dans toutes ses stations. Engagement pris par le PDG du groupe auprès du gouvernement. Le ministre de l'économie annonce lui une extension du prêt à taux zéro. Bonne nouvelle, si vous comptez acheter un premier appartement ou une première maison, il sera élargi aux classes moyennes dès l'an prochain et à 210 villes supplémentaires. Un fort épisode Cévenol, attention aujourd'hui, conséquence 4 départements sont en vigilance orange, pluie, inondation. Il s'agit de la Drôme, de l'Hérault, de l'Ardèche et du Gard. Et puis Maxime Le Forestier, de retour sur scène ce soir. L'artiste âgé de 74 ans a été victime d'un malaise vagal sur scène hier soir à Antibes après une heure de spectacle. Depuis, il s'est reposé. Il va mieux, précise la direction du théâtre qui l'accueille. FranceBleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez. Tout France Bleu est sur francebleu.fr. Et le prochain rendez-vous d'information tout à l'heure, à 18h. Un ciel bâché, nous dit Météo France, et des pluies encore cet après-midi. Un petit peu partout, ça va se lever en toute fin de journée. Peut-être quelques rayons de soleil pour les plus vénards d'entre nous. 5 mm attendus de cumul de pluie sur le pays des Moutiers de Vassivière, 10 mm sur l'axe d'Intry. Et des températures comprises cet après-midi entre 19 et 20 degrés, notamment 21 degrés sur la basse marche. Des pluies éparses sont attendues après minuit, la nuit prochaine, jusqu'à l'aube. Mais cependant, auparavant et dans la première partie de la nuit, le temps restera sec. 13 à 14 degrés demain matin au lever du jour, un temps variable avec des averses, notamment le matin. Et puis on aura à peu près le même scénario, c'est-à-dire des averses le matin et puis ça va se lever l'après-midi. On prévoit au maximum demain jeudi 15 mm de cumul de pluie sur Saint-Thirier, sur le pays des Moutiers ou encore sur Vassivière. Demain, température entre 17 et 20 degrés. La météo 100% locale avec Murprotec, numéro 1 de la lutte contre l'humidité et la pollution de l'air intérieur. Diagnostic de votre habitation offert sur murprotec.fr. Le 16-19 de France Bleu Limousin. Christophe Besson. Vous êtes les bienvenus et évidemment on va suivre bien l'évolution du trafic sur la route. Ça va être encore assez dense ce soir dans Limoges, dans Brive également. Et puis juste avant 17h30, je vous parlerai dans notre minute solidaire de ce que prépare le football club de Saint-Brice-sur-Vienne. Oui, c'est Octobre Rose, ça n'est pas terminé le mois d'octobre et justement le club se mobilise dimanche. On en reparlera tout à l'heure. Auparavant, on sera allé du côté de l'espace Emera. C'est l'université qui organise les 4e rencontres littéraires et musical, et s'il vous plaît, en guest star, en invité, Ibrahim Malouf sera tout à l'heure au micro France Bleu d'Alexandre Pain. Bel après-midi. Ibrahim Malouf, le super trompettiste français, grand musicien qui s'est dirigé aussi des orchestres. Enfin voilà, il sera avec nous là, juste après le Shape of You d'Ed Sheeran. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And come over and start up a conversation with just me. And trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox. And then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Now follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. The shape of when we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm-hmm. you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up your plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Ed Sheeran sur France Bleu Limousin dans votre 16-19. On vous l'a promis, on y retourne puisque la musique s'écoute mais se raconte aussi. Alors on en profite évidemment, hein. France Bleu Limousin adore aussi vous raconter des histoires. Et quand on parle en plus de musique, alors là je crois que la boucle est bouclée. Alexandre Pain. Effectivement, Christophe Besson, et on vous l'avait promis, Ibrahim Malouf à notre micro pour ses quatrièmes rencontres littéraires et musicales ici à Limoges qui ont lieu aujourd'hui. Bonjour Ibrahim Malouf. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous au micro de France Bleu. Je suis ravi. Vous êtes arrivé hier, hein, vous avez déjà donné un concert hier du côté d'Ille. Vous êtes resté aujourd'hui toute une journée de table ronde, de conférences, et vous retournez sur scène ce soir du côté de l'Université de Limoges pour le challenge musical. Là, vous allez être président du jury ce soir. On change un petit peu de casquette. Oui, c'est un exercice que j'aime bien faire. J'ai toujours aimé la transmission. J'enseigne depuis l'âge de 17 ans. Donc ça fait partie un peu de mon métier aussi, hein, de pouvoir encourager les jeunes, leur donner leur chance et être là pour les pousser. On va parler de votre dernier album, Capacité to Love, le 15e album studio, je crois. On va parler également de votre livre qui a été sorti en 2021, Petite philosophie de l'improvisation. Là, on fait le lien entre justement rencontres musicales et littéraires. Quelle place a l'art en général dans votre vie? Si on ne parle pas de musique, mais on parle d'art en général depuis tout petit. Vous pouvez imaginer. Énorme. Bah oui, bien sûr, mes deux parents sont musiciens. Toute ma vie, je l'ai dédié à la musique. Dans ma famille, mon oncle Elie et Amine Malouf, et l'écrivain aujourd'hui président de l'Académie française. L'art est partout. Mon grand-père était poète et journaliste. On a toujours été dans l'enseignement et dans l'art et dans l'expression artistique et culturelle. C'est notre... J'ai presque envie de dire notre raison de vivre. Voilà. C'est un ADN, c'est votre ADN en fait, l'art. Ça fait partie de vous, ça fait partie de votre vie depuis toujours. Et j'ai assisté tout à l'heure aux tables rondes. Il y a un mot qui est revenu, j'en parlais avec Brugieri, c'est le mot transmission. Ça, c'est hyper important et vous l'avez tous cité, ce mot. Et j'ai l'impression qu'il a une importance capitale pour vous de transmettre aux plus jeunes notamment. Mais regardez, on est à la radio là. La transmission, c'est le nerf de la guerre. C'est là où toute information circule, et ce n'est que comme ça qu'on peut éduquer nos enfants à un monde meilleur. Ce n'est que comme ça qu'on peut les cultiver, leur donner envie d'apprendre à se cultiver, leur donner envie de communiquer les uns avec les autres, d'être en connexion en fait les uns avec les autres, et donc ensuite de transmettre eux aussi aux nouvelles générations. On est là que de passage en fait, et ce passage là, c'est si on transmet pas, c'est la fin de l'humanité. Il y a une phrase, j'ai cru lire, faites ce que vous voulez. C'est une phrase qui résonne en vous et que vous utilisez apparemment souvent. C'est quoi? Ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut quand on écrit, quand on joue de la musique, quand on est derrière une trompette, un piano? Alors, faites ce que vous voulez, c'est c'est une sorte de totem, je sais pas comment on dit, mais une phrase qu'on garde comme ça dans sa poche et on la sort quand ça nous arrange. Mais moi, dans mon cas, j'estime que lorsque le travail a bien été fait, c'est-à-dire qu'on a été au plus plus loin de l'exigence que la vie nous apprend à avoir quand on a fait nos études, qu'on a travaillé, qu'on a peu importe ce qu'on a fait, mais qu'on est allé au bout des choses. Vraiment, il y a un moment où on doit apprendre à faire ce qu'on veut aussi, puisqu'on le fait dans le respect des autres, dans la bienveillance vis-à-vis du monde qui nous entoure. Sauf que l'éducation d'aujourd'hui ne nous apprend pas à faire ce qu'on veut. Elle nous dit non, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux, tu fais partie d'une société et donc tu dois te plier aux règles de la société. Ce qui n'est pas complètement faux non plus, attention, hein. Mais du coup, cette exigence-là vis-à-vis de la société nous empêche d'imaginer des options différentes, nous empêche de créer des solutions nouvelles à des problèmes et ne nous apprend pas à nous adapter en fait au temps dans lequel nous vivons. Et moi, je pense que quand on éduque nos enfants, par exemple, moi j'ai trois enfants. Je considère que j'ai réussi le jour où ils n'ont plus besoin de moi, le jour où ils deviennent autonomes. J'ai cette sensation que j'ai réussi ma mission de père le jour où vraiment ils n'ont plus du tout besoin de mon aide ni de mon soutien. Et c'est pareil avec les nouvelles générations. Alors comment faire ça? C'est de les rendre autonomes. Cette autonomie ne peut arriver, ne peut exister que s'ils sont libres et s'ils sont capables de s'adapter à la société et aux problèmes de la société d'aujourd'hui. Je parlais de votre album Capacity to Love, une guest list qui est incroyable. Vous avez été nommé également aux Grammy Awards en 2023. Capacity to Love, on parle souvent dans les interviews de la collaboration avec Sharon Stone, il y a Charlie Chaplin, voilà, il y a beaucoup de personnes, il y a M également sur cet album. Racontez-nous un petit peu cet album, comment est-ce qu'il a été créé, comment est-ce qu'il a été imaginé. Mais typiquement, Capacity to Love, c'est un album qui me sort complètement de ma zone de confort. J'avais envie de me tester sur autre chose, sur des choses qui sont un peu différentes de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Me mettre un peu en danger, voir un peu si je suis capable de m'adapter. Et en l'occurrence, là, cet album va sur le terrain des musiques urbaines, du rap, de la pop, de culture musicale que j'adore, parce que j'écoute ça à la radio, mais qui ne font pas forcément partie de mon éducation musicale à la maison ou mon éducation musicale tout court, parce que moi j'étais étudiant au Conservatoire de Paris, etc. Donc mon envie de sortir un peu de cette zone de confort et d'aller vers ce terrain-là, c'est ma capacité à aimer l'autre et à aimer les autres avec leurs différences et à pouvoir m'intégrer dans un environnement différent. Et ensuite, écoutez, j'ai travaillé avec des super génies de la production, Henry Waz, qui est un Californien incroyable, et Newton, qui est un Lyonnais, absolument génial aussi, français. Et avec eux, on a co-réalisé et travaillé, produit cet album. Et à chaque fois, il y avait des choses logiques, des rappeurs comme Dismo, comme Dear Silas, comme De La Soul, des artistes que j'aime, Eric The Architect, d'un groupe de New York qui s'appelle Flatbush Zombies, que j'adore. En effet, la présence de Sharon Stone sur cet album était fondamentale aussi, parce qu'elle amène quelque chose de beaucoup plus profond que tout, parfois, ce qu'on peut imaginer quand on écoute juste la musique. Mathieu Chédid, Flavia Coelho et bien d'autres. Et toute cette richesse, en fait, d'artistes qui viennent d'un peu partout et de zones musicales qui n'appartiennent pas forcément à mon environnement de départ, c'est ce qui fait que cet album tient et qu'il a du sens pour moi. Dernière question, Ibrahim Malouf, avant de vous libérer, parce que ce soir vous devez aller sur scène du côté de la faculté de droit de Limoges. On parlait 15e album en studio, vous parcourez le monde entier pour les concerts. Il reste du temps pour venir comme ça rencontrer les personnes dans des rencontres musicales, littéraires. Ça aussi, c'est primordial de sortir un petit peu de la scène, de sortir de derrière l'instrument pour aller rencontrer les gens, pour aller échanger avec eux. Ça fait partie de cette mission de transmission. Je peux pas imaginer, mais je pense que chaque personne qui est allée loin dans son travail, qui a appris, qui s'est nourrie de beaucoup de culture, de beaucoup de choses, ou d'un métier, etc., peut et éventuellement même se doit de transmettre. Et on est tous en fait capables d'enseigner ou de transmettre, de partager. On le fait pas assez. Alors mon métier peut-être me donne la possibilité de faire ce choix, puisque je suis un artiste indépendant et que je peux faire les choix que j'ai envie de faire. Je suis pas bloqué par des horaires de boulot, des choses comme ça. Donc j'ai cette liberté. Alors je le fais. Mais moi je pense que énormément de gens en fait pourraient le faire. Vous-même vous pourriez le faire. Les personnes qui nous mettent en onde pourraient le faire, etc. À chaque fois en amenant à eux de la nouvelle génération, en leur transmettant des choses. Et puis là, il s'agit pas seulement de génération, il s'agit simplement de partager avec tout le monde. Donc je le fais avec beaucoup de bonheur. Je vais vous emmener sur quelque chose qui vous plaît, l'improvisation, la création. Pour terminer, Ibrahim Malouf, Limoges, un mot. pour les auditrices et les auditeurs de France Bleu Limousin. Autour de quoi? De l'improvisation? Un mot. J'improvise quelque chose autour de l'image. Si vous deviez cliché, porcelaine. Non. Non, mais quand j'étais petit, on avait fait une sortie, je devais avoir 8 ou 9 ans. Et on nous avait amené ici à Limoges. Et je me rappelle, on avait logé dans une sorte de château et tout. C'était génial. Et je suis tombé amoureux ce jour-là. Il y avait une autre fille d'un endroit que je connais pas, qui avait à peu près le même âge que moi, qui s'appelait Lydie. Et je me souviens très bien que je suis tombé amoureux d'elle. Alors j'ai envie de dire Lydie. Voilà, c'est ce souvenir qui revient à chaque fois que je viens ici. Merci beaucoup, Ibrahim. Merci à vous. On rappelle votre livre, Petite philosophie de l'improvisation. On rappelle également votre album, Capacité to Love, 15e album studio d'Ibrahim Malouf. Et on vous retrouve ce soir du côté de la faculté de droit de Limoges. Vous serez président du jury du challenge musical. Merci beaucoup. Merci Ibrahim Malouf. Et je crois qu'on va écouter un de vos titres. Désolé Christophe Vaisseau. Quand on a Ibrahim Malouf au micro, on casse les conducteurs et on reste pendant 10 minutes au lieu de rester 3 minutes. C'est votre capacité à improviser aussi, mon cher Alexandre. Il n'y a aucun souci avec ça. Et justement, je suis content parce qu'on n'a pas cité Gregory Porter avec qui Ibrahim Malouf collabore sur cet album. S'il vous plaît, le crooner Gregory Porter. Et justement, c'est le titre de l'album Capacity to Love tout de suite sur France Bleu Limousin. Ibrahim Malouf en concert ce soir. À Limoges. Wide like ancient river crossings, grand like grandma's open hands, high like white peaks touching heavens. I like our hearts holding hands. Wind like ancient rivers crossing, grand like grandma's open hands, high like white peaks touching the heavens, high like counting hearts like desert sands. Size of Earth, still your capacity is large, big, wide, grand, tall, high. extrait de l'album de 2022 d'Ibrahim Malouf qui était en concert hier soir à Limoges, qui sera ce soir avec le challenge de l'université de Limoges. C'était Capacity to Love, le titre de l'album sur France Bleu Limousin. Il est presque 17h22, on va retrouver Alexandre Pain en direct de ses quatrièmes rencontres à l'université de Limoges, des rencontres littéraires et musicales. France Bleu Limousin vous donne rendez-vous à la 7e fête des plantes et de la nature à Saint-Junien. La nature sera dans tous ses états autour des artisans du jardin, des pépiniéristes et autres 140 exposants venus de toute la France. La fête des plantes à la salle des congrès du Châtelard à Saint-Junien, dimanche 22 octobre avec France Bleu Limousin. Alexandre Pain, vous n'avez pas trouvé Lydie, mais vous avez Anaïs à côté de vous. Je dis Lydie parce que c'était le prénom de l'amoureuse d'Ibrahim Malouf, dont il nous a parlé tout à l'heure. Voilà. Oui, c'est sympa comme ça d'avoir des petites anecdotes d'Ibrahim Malouf par rapport à ses expériences en Limousin. C'est venu en Limousin et effectivement, Anaïs a pris la place d'Ibrahim Malouf sur le fauteuil. Anaïs, vous êtes responsable du site Emera en centre-ville de Limoges. Alors Emera, c'est le lieu qui nous accueille aujourd'hui, qui accueille ses quatrièmes rencontres musicales et littéraire. Pourquoi c'est important comme ça d'accueillir un événement culturel dans l'esprit de ce lieu Emera, qui est un espace de coworking à la base, je crois? Exactement, c'est un espace de coworking mais également événementiel. C'est la première fois qu'on accueille un événement culturel. C'était très bien parce que ça nous a permis d'ouvrir nos portes à un nouveau public que l'on n'avait pas encore attiré. Et justement, de voir comme ça des personnes comme Ibrahim Malouf, des gens qui sont mondialement connus, ça doit être quand même assez impressionnant. On doit avoir un petit peu de pression de se dire, on a quand même un trompettiste prodige comme ça qui arrive dans notre lieu. Il faut quand même tout mettre en place. Depuis combien de temps vous organisez tout ça avec, c'est avec qui d'ailleurs, en partenariat avec l'université directement? Exactement, c'est l'université, le service culture de l'université qui est géré par Nadine Cognier qui a organisé cet événement. Nadine a dû prendre contact avec moi au mois de mai ou juin, donc ça fait un petit moment qu'on en parle, qu'on y travaille, qu'on établit un planning et un peu de pression, mais beaucoup de joie surtout d'accueillir ce genre de star à Limoges. Ça fait plaisir, vraiment. Ouais, ce soir, vous allez souffler un petit peu quand même? Oui, on va souffler quand tout le monde sera parti, mais pour l'instant, on profite encore un peu puisqu'il est encore présent et les autres invités sont aussi présents. C'était une très belle journée, malgré le mauvais temps. C'était des personnalités très accessibles et je pense que le public a autant apprécié que moi. L'idée, c'est quoi? C'est de développer des événements culturels comme ça qui viendront émailler l'année? Oui, ça serait bien. Après, c'est pas moi qui vais aller les chercher, mais je suis à l'écoute des porteurs de projets pour les recevoir et pour voir comment on peut avancer et travailler. Oui, et puis c'est un lieu aussi, quand on parle d'art, c'est un lieu quand même où... Emblématique à Limoges et où on peut faire une relation peut-être aussi avec l'art, avec le côté historique du lieu en centre-ville de Limoges. Absolument. On a travaillé un petit peu avec l'office de tourisme qui a mis en avant le bâtiment à travers les visites de la place Jourdan. Ça a permis aussi de toucher encore un autre public parce qu'on parlait beaucoup plus d'architecture et d'histoire. Et on va... Alors, c'est pas notre cœur de métier, mais on va appuyer, avancer dans ce genre de sens pour faire développer la notoriété du site. Pas d'Emera, mais du site en lui-même. Concrètement, avant d'être un espace de coworking, c'était quoi ici? Vous pouvez le rappeler aux auditrices et aux auditeurs de France Bleu Limousin? Oui, bien sûr, c'était l'office de commandement des armées. Donc, 52 généraux se sont succédés ici dans le bâtiment pendant près de 150 ans. Et donc ça faisait tant qu'il n'y avait plus rien dans le bâtiment et l'espace de coworking, lui, a vu le jour donc l'an dernier, début juillet 2022. Oui. Et depuis, on a fait à peu près de 100 événements divers et variés, mais c'est bien d'en faire quelques-uns qui sont ouverts à tout public. Ouais, ouverts au public, et ça c'est bien parce que c'est vrai que tout le monde pouvait venir aujourd'hui, il y avait beaucoup de monde sur ces conférences et tables rondes. Merci beaucoup Anaïs, responsable du site Emera, ici le lieu qui accueillait ces rencontres musicales et littéraires. Et il faut, quand on crée des gros événements comme ça avec des artistes internationaux qui viennent, il faut des personnes pour l'organiser, il faut des lieux où on peut recevoir le public, il faut toute une logistique parce qu'il y avait des concerts à l'extérieur également, il y a eu des concerts ce matin je crois, il y en a eu également cet après-midi. Donc voilà, c'était aussi l'histoire de mettre en avant toutes ces personnes qui sont un peu dans l'ombre, mais qui sont indispensables quand on organise des événements comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Anaïs. Vous. Voilà, Christophe, peut-être une dernière intervention avant 18h ensemble, et puis on clôturera ces quatrièmes rencontres musicales et littéraires pour aller vers la faculté de droit, parce que je pense que je vais aller écouter un petit peu de trompette ce soir. Ouais. Je pense bien, vous allez faire un petit peu de droit, puis le reste de travers, c'est ça que vous êtes en train de me dire, c'est ça. Bon, à tout à l'heure, oui, effectivement, et on l'entend bien, c'est un bel événement dans dans Limoges que seront ces quatrièmes rencontres littéraires et musicales avec bien les jeunes, hein, les universitaires, les étudiants qui vont bien donner leur concert, leur savoir-faire, le partager et avec, s'il vous plaît, comme président du jury, vous l'avez entendu tout à l'heure, Ibrahim Malouf. Voilà. Les Bengals sur France Bleu Limousin juste après notre Minute Solidaire. Eternal Flame avec les Bengals sur France Bleu Limousin. Il est 17h30, il est l'heure de retrouver notre Minute Solidaire. Tout d'abord, une parenthèse, j'étais très touché ce matin. Il y a une publication du club de Saint-Brice-sur-Vienne sur sa page Facebook qui reprend la publication du club de Brigueuil qui a vu disparaître Lolo, le renfort qui est décédé. L'entraîneur, le club de Brice-sur-Vienne lui rend un bel hommage. Et donc ça aussi, je tenais à le dire, c'est la famille du foot et du sport. J'insiste parce que souvent on parle du négatif dans le football. Et là, effectivement, c'est un club qui... Ce sont deux clubs qui se rencontrent régulièrement. Mais quand quelqu'un s'en va, évidemment, on ne peut que lui rendre hommage. On sait ce que c'est que d'être bénévole dans ces clubs. Donc le club de foot de Saint-Brice-sur-Vienne, justement le FCSB, va soutenir les femmes atteintes du cancer du sein. Pour cela, eh bien, Octobre Rose, c'est le moment ou jamais. Alors le club va ouvrir la buvette ce dimanche et mettre en vente des rubans roses. Allez-y, c'est au stade de Chambéry, c'est dimanche après-midi. Ce sera pendant le match de championnat qui va être quoi ce match de championnat ? Ce sera Saint-Brice-sur-Vienne contre Saint-Junien. On vous invite à venir profiter d'un bon moment, d'un beau match de foot, on l'espère. Et puis, vous pourrez soutenir la cause d'Octobre Rose. On file sur la route, ça se passe pas trop mal. Encore une fois, ce soir, on est prudent tout de même. Hein, c'est pas une raison. On est dans l'agglomération de Limoges avec des travaux d'entretien un petit peu plus au sud. Hein, c'est jusqu'au 26 octobre, donc de Boisseuil à Saint-Hilaire-Bonneval. Des travaux qui neutralisent la voie de droite à partir du point repère 193 et sur 3 km. Au nord de Limoges, il y a toujours ce véhicule en panne, c'est un poids lourd. Dans le sens Paris-Toulouse, il est au point repère 174, c'est à la sortie 28. La sortie Angoulême. L'infotrafic 100% local avec les meubles et cuisines Emery, meubles, salons, literie, cuisine et dressing sur mesure, route de Limoges à Argenton-sur-Creuse. Les quatrièmes rencontres littéraires et musicales de l'Université de Limoges, ça continuera ce soir, on l'a entendu avec le challenge, avec les étudiants, mon cher Alexandre Pain, puis merci de ces belles rencontres, pour ces belles rencontres avec Uvray Djiri, Thibaut Covin ou encore Ibrahim Mahalouf, pardon. On va se saluer, se dire au revoir, qu'est-ce qui se passe là maintenant ? Ben là, on est en train de tout démonter tranquillement. D'accord. Du côté de l'espace Emera, parce que maintenant on va aller du côté de la faculté de droit de Limoges. On n'est pas très loin, hein. Il y a quelques pas à faire pour aller à la faculté de droit, et à partir de 20h, ce challenge musical où, je le rappelle, des étudiants limougeaux et même des personnels enseignants vont jouer sur scène, vont arriver sur scène, jouer devant Ibrahim Mahalouf, qui est président du jury du challenge musical, et donc peut-être gagner ce challenge musical. Ça sera à 20h, ouvert au public. N'hésitez pas à aller faire un tour, faculté de droit, donc pour cet événement organisé par le service culturel de l'Université de Limoges. Et le parrain, c'est Ibrahim Mahalouf. Voilà, Christophe Besson, pour ces quatrièmes rencontres littéraires et musicales. Salut, merci, merci Alexandre Pain. Ce soir, le Mag 100% Coupe du Monde se projette sur la suite de la compétition. On va prendre plaisir à regarder l'Angleterre se faire éliminer. Non, j'ai pas dit ça. Bon, bien sûr, on va souhaiter une finale alléchante avec des Argentins qui vont peut-être réussir à faire ce qu'on n'a pas réussi. Allez, présente Dominique Bourdeau et Arnaud Carré tout à l'heure à 18h, ce sera le Mag 100% Coupe du Monde. On ira au Couzex aussi auparavant, et ça c'est dans un quart d'heure avec le président du Couzex Squash, Julien Sergent. Il va nous présenter ce qui va se passer la semaine prochaine du 24 au 28 octobre, le premier tournoi international de squash féminin. La télé, on va en parler aussi de la télé avec Les Invisibles sur France 2, ça c'est le choix de Patrice Gascoigne. J'ai choisi le bien visible Thomas Njijol ce soir à la télé. Pourquoi préférer MAF Pro ? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben, je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur MAF.fr. IKEA. Attends, t'es prêt là ? Tada ! Waouh, sympa la déco, mais on est où ? Bah mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20€ au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Limousin, ici, on parle d'ici.

The Stranglers avec Always the Sun sur France Bleu Limousin. France Bleu Limousin, 100% supporter. 100% supporter. C'est marrant cette chanson, elle arrive le jour où on a de nouveau de la pluie en Limousin, mais le soleil, oui, il sera au Country Club du COSEX, évidemment, avec Julien Sergent. Bonsoir, président. Oui, bonsoir. Vous êtes, Julien, le président de COSEX Squash. Vous êtes au Country Club la plupart du temps, c'est là où vous entraînez ? C'est là, effectivement, où se déroule l'activité du COSEX Country Squash, en face de l'hippodrome de Texoneras. De Texoneras, d'accord. Combien de licenciés au club ? Il y a à peu près 80 adhérents qui sont à l'année, et puis beaucoup de joueurs qui sont uniquement des joueurs occasionnels. D'accord. Mais voilà, une pratique, soit à l'année, soit de temps en temps. C'est bien, 80 licenciés, moi je trouve, ça tourne, quoi. Ça commence, oui, oui. Et puis on est sur une activité qui tend à se développer avec une annonce en début de semaine de la présence du squash aux Jeux Olympiques en 2028. Ouais. Donc il y a de quoi développer l'activité. Ouais, parce que c'est un sport qu'on connaît depuis pas mal de temps. D'ailleurs, il est assez amusant de savoir qu'il est souvent filmé, hein, les parties de squash comme ça. On retrouve souvent ça parce que c'était à un moment donné pour pardon celles et ceux qui voulaient vraiment se dépenser, une activité très physique, quoi. Hein. Voilà, c'est très physique, on se défoule, c'est une activité qui peut se faire finalement en peu de temps, c'est pas très chronophage, mais en fin de journée, pour se défouler, en une heure, on a évacué le stress de la journée, et puis, en général, on finit avec un petit moment de convivialité autour d'un verre, et c'est un bon moment de détente. C'est en principe dans l'activité quelque chose qui est complémentaire ou c'est juste le sport qu'on peut pratiquer tout au long de l'année ? Alors c'est un sport qu'on peut pratiquer tout au long de l'année, hein. Donc nous on sait qu'on a beaucoup de joueurs qui sont plutôt sur de la détente et sur du loisir, et puis on a une partie compétition avec un certain nombre de joueurs, une vingtaine de joueurs sur COSEX et issus de Limoges qui font de la compétition en équipe ou en individuel. C'est des choses possibles également. D'accord, très bien. J'imagine une bonne ambiance dans le club parce que là vous êtes mobilisé. D'abord parce que on verra du squash aux Jeux Olympiques, vous l'avez dit, bientôt, pas cette année mais dans 4 ans. Exactement, en 2028 à Los Angeles. Exactement. Et puis vous organisez pour la première fois un tournoi international, Julien. Exactement, c'est une première sur Limoges et donc sur Couzex, avec un tournoi international féminin, donc du circuit professionnel, avec 24 joueuses qui viennent des cinq continents, 14 nationalités seront représentées et 5 joueuses du top 100 mondial. Donc un très bon niveau pour une première. Hein, on espère pouvoir perdurer, mais une première édition qui s'annonce très très belle. C'est-à-dire que vous êtes inscrit quelque part pour justement pouvoir accueillir ces joueuses et à un moment donné, c'est pas un tirage au sort, mais il y a une décision qui est prise au niveau d'une fédération pour dire c'est là qu'on va le faire parce que d'abord il y a des gens volontaires et puis la date convient, c'est ça ? Alors, c'est un circuit professionnel et ouais. Avec un circuit au niveau national qui regroupe 7 étapes. L'idée, c'est d'essayer d'avoir un circuit éco-responsable pour faire venir les joueurs de l'étranger et qu'ils profitent de leur passage en France pour optimiser le nombre de tournois. Et puis diminuer un peu leur impact écologique également, avec du covoiturage entre les étapes, toutes ces choses-là. Donc nous, on s'est inscrit sur ce circuit pour pouvoir bénéficier aussi de la communication de ce circuit et puis bénéficier aussi de l'expérience, puisque c'est un circuit qui existe depuis plusieurs années et nous, c'est notre première participation. Pour une première participation, la barre est là, si je peux me permettre. elle est là, hein. Allez, oui, on est assez même surpris finalement par le niveau de joueuses que l'on va avoir et par la multiplicité des joueuses et de leur nationalité. Ça nous inspire beaucoup, ça remotive le groupe. Là, on est une vingtaine sur cette organisation qui permettent de mettre en place plein de choses. On veut les accueillir le mieux possible et on a surtout pour idée que ça continue sur de prochaines éditions. Voilà, c'est une première édition, mais qui en appellera sans doute d'autres. Alors ça démarre le 24 octobre, la semaine prochaine, jusqu'au 28. Ce tournoi international, c'est un open aussi. Je dirais, on peut venir se classer et essayer de participer. Alors, c'est un open international sur la durée du 24 au 28 octobre, en fin de journée pour une entrée libre pour venir découvrir ce spectacle. Et puis le samedi, on organisera un tournoi pour des joueurs qui font de la compétition, mais un tournoi régional sur la journée du samedi, avec donc en point d'orgue la finale de ce tournoi international. Le tournoi international, d'accord, très bien. Oui, on verra, à mon avis, un très très beau spectacle, parce que ça jouera fort, mais c'est vrai que ça doit être motivant pour le club, hein. C'est très motivant, là. L'équipe est à bloc pour accueillir au mieux. On va héberger ces joueuses, on va s'occuper d'elles, les transférer de l'aéroport au club, et puis leur faire visiter aussi la ville de Limoges pour qu'elles puissent aussi repartir avec une belle image et puis des petits souvenirs qu'on a concoctés pour elles. Bah, c'est super. Bravo, félicitations, et puis bon tournoi international, hein, du 24 au 28 octobre, je le rappelle, c'est au Couzex Country Club, et c'est le premier international de squash féminin. Félicitations et à bientôt, Julien. On suivra ça, évidemment, de très près. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir. Merci, au revoir. On file sur la route et merci à Julien qui nous a appelé tout à l'heure au 05 55 34 5000 pour nous signaler que sur la D940 à la sortie de Trégnac, au niveau de l'hôtel Brasserie, hein, il y a un fil électrique sur la route. Les agents sont sur place, la route est fermée aux poids lourds et ceux dans les deux sens des déviations sont mis en place. Merci, Julien. Chaque soir sur France Bleu, toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby est à 100% dans le mag. Dominique Bourdeau. Après 37 ans de séparation, voilà deux coqs qui se sont retrouvés depuis 2018. Le coq sportif est à nouveau l'équipementier de l'équipe de France 2 rugby avec un maillot totalement fabriqué en France. Le PDG du coq sportif Marc-Henri Bossire est notre grand témoin. Le mag 100% Coupe du Monde de rugby, chaque soir sur France Bleu, dès 18h. C'est l'euphorie dans votre concession Renault-Euphorie. Jusqu'au 31 octobre, 400 véhicules toutes marques à prix coûtant. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Attention, stock limité, il n'y en aura pas pour tout le monde. Conditions dans vos concessions Euphorie Renault à Brive, Limoges, Saint-Junien et Tulle. Pensez à covoiturer. France Bleu. Tu me Piego la mia bandiera, il luviore chi si spanna, ogni stanta rausole, ogni giocco di campana, si per me l'alto vanale, a mio strada, a mio fontana, o la mia bandiera, o la mia bandiera, Piego la mia bandiera. In ogni fiume chi corre, in usa abbraccia un mare, in aianna chi albore, si per me a stella ardente, guida di un messe in bulore, o la mia bandiera, o la mia bandiera, ti prego la mia bandiera, in ogni monte scolpito, non di là. Si per me a scorza di da di arburu sembra ritu, o la mia bandiera, o la mia bandiera. Io evo la mia bandiera in un pianto di nucello, in la mano che si può dire, in la risa di un zitello, si la mia antica culana a mio bramo, mio si per me l'ultimo anello, un mio rano, un mio viaggio, con la mia bandiera. Le Voce Ventoux et Jennifer à l'instant sur France Bleu Limousin. France Bleu Limousin, 100% supporter. 100% supporter. Et 100% Coupe du Monde de rugby, même si effectivement les Bleus n'y sont plus. On va regarder ce qui va se passer pour les demi-finales. Et puis, invité aussi tout à l'heure, l'équipementier, le patron du coq sportif, Marc-Henri Bossir, sera l'invité de Dominique Bordeaux et d'Arnaud Carré hein, pour ce mag. Rendez-vous tout à l'heure, tout de suite à 18h05 jusqu'à 18h30. Et après, on retrouvera, on aura des nouvelles, bien sûr, de ce qui va se passer du côté de Rouen. On va retrouver notamment Anthony Frosiac, qui nous en dira un petit peu plus sur le moral de l'équipe hein, des hommes de Patrice Colazo qui joue ce soir à Rouen. C'est de la Pro D2, c'est Rouen face à Brive et vous vivrez cette rencontre en direct à partir de 21h. On file sur la route, vous dire que Julien nous a appelé tout à l'heure et nous a signalé donc au niveau de l'hôtel La Brasserie, hein, c'est à la sortie de Trégnac sur la D940, un fil électrique sur la route. Alors les équipes de secours sont sur place, les agents bien sûr, mais la route est fermée pour le moment au poids lourd dans les deux sens et déviations sont mises en place. Sur Limoges, un accident est signalé, un seul véhicule léger en cause dans le sens Toulouse-Paris. Alors c'est au point repère 182 pour être précis. À Limoges, c'est sur la bretelle d'entrée de la 20, la bretelle 33 Limoges centre en début de bretelle. Soyez extrêmement prudents si vous êtes sur ce secteur. C'est une bretelle avec un virage oui, qui est assez compliqué et difficile, surtout en cas de pluie et sur les premières pluies. Des zones de travaux également à vous signaler. Des travaux d'entretien hein, jusqu'au 26 octobre prochain à la hauteur de Boisseuil jusqu'à Saint-Hilaire-Bonneval. C'est la voie de droite qui sera neutralisée dans le sens Paris-Toulouse. L'infotrafic 100% local avec les meubles et cuisines Emery, meubles, salons, literie, cuisine et dressing sur mesure, route de Limoges à Argentan-sur-Creuse. France Bleu présente la comédie musicale incontournable Le Roi Lion. applaudie par plus de 850 000 spectateurs, toutes générations confondues, la troupe du Roi Lion revient pour une troisième année sur la scène du Théâtre Mogador. Un spectacle grandiose. Le Roi Lion, uniquement au Théâtre Mogador à Paris. Avec France Bleu. MMA, Business Entreprise. Jusqu'au 25 novembre 2023, 50% offert sur l'assurance dirigeant. MMA. Moins 50% sur la première cotisation annuelle. Conditions en agence. Je te dis que je t'aime. Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que vous méritez d'entendre le moindre chuchotement, on vous offre le dernier cri. Et oui, chez Écoutez Voir, les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Et en plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical. Demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. La Nostalvie, c'est le nouveau livre de Patrick Sébastien. Mon nouveau livre, je l'ai appelé « La Nostalvie ». À ne pas confondre avec la nostalgie. La nostalvie, c'est rose et jaune comme le soleil. C'est faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Et crois-moi, on en a bien besoin. La Nostalvie de Patrick Sébastien. Un récit à savourer. Un livre XO. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Limousin. Nous sommes bel et bien le 18 octobre 2023. Aujourd'hui, c'est un mercredi, il est 18h. Côté météo, on garde la pluie hein, demain matin, avec des températures comprises entre 13 et 14 degrés. Et ça se lève un petit peu dans l'après-midi. Attention au vent également qui peut souffler en rafale jusqu'à 55 km/h. L'actualité à 18h avec vous, Bastien Thomas, et 151 lits ont été fermés au CHU de Limoges depuis septembre dernier. Un chiffre tout service confondu transmis au syndicat ce matin par la direction après la surcharge des urgences lundi, à cause d'un côté à la grève aux urgences de la clinique Chénieux et à la fermeture des urgences à Saint-Junien la nuit dernière. Conséquence des urgences saturées au CHU, notamment lundi avec près de 200 passages en 24 heures. Une situation qui pose question sur la continuité des soins en Haute-Vienne. Même la présidente de la commission médicale d'établissement du CHU est venu aider. Didier Martinez est infirmier aux urgences du CHU de Limoges depuis près de 20 ans. Une journée particulièrement difficile. Vous imaginez le nombre de patients réunis en même temps au sein du service des urgences, dans les couloirs. Pour vous dire, même ce jour-là, dans la soirée de lundi, la présidente de la CME est venue aider le personnel médical des urgences pour pouvoir un peu désengorger le circuit ambulatoire qui était vraiment envahi par des patients venant d'un peu partout. Vu le nombre de patients, on a très peu de temps à se consacrer à chaque patient. On leur donne les soins de base, on va dire. On fait au mieux avec les moyens qu'on a. On vit tous les jours avec la peur au ventre, on va dire, hein, parce qu'on joue nos diplômes, on fait des transfusions au milieu du couloir. C'est pas acceptable. On reçoit des patients qui sont suivis en oncologie, immunodéprimés, qui ne devraient pas passer par les urgences. C'est vrai qu'on est une équipe soudée. On va dire que c'est ça qui nous fait tenir pour l'instant. La direction espère rouvrir une vingtaine de lits au CHU d'ici le mois de novembre. On fera le point sur cette crise de la santé en Haute-Vienne demain avec l'antenne départementale de l'Agence régionale de santé. Sophie Girard, sa directrice, sera notre invitée à 7h45. Une maison sérieusement endommagée ce matin à Riac-Rancon en Haute-Vienne après un départ de feu dans les combles. Les deux habitants ont pu s'extraire avant l'arrivée des pompiers et n'ont pas été blessés. L'installation d'un pylône de radiotéléphonie à Saint-Just-le-Martel fait polémique. Les habitants des quartiers de Fontagully et de la Haute-Ripe ont prévu de se rassembler ce soir pour dire non à ce nouveau pylône qui devrait être installé à tout près d'un premier pylône déjà installé par l'opérateur Orange. Une nouvelle installation que conteste également la mairie. 357 perturbations et contestations selon le dernier bilan du ministère de l'Éducation nationale lors de la minute de silence hier en hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard, ce professeur tué vendredi à Arras. Des mesures disciplinaires ont été engagées contre ces élèves, précise le ministère. Et puis le bilan français s'alourdit au Proche-Orient. 24 Français ont été tués dans les attaques terroristes du Hamas sur Israël il y a plus de 10 jours. 7 sont toujours portés disparus selon le dernier bilan transmis par la Première ministre Elisabeth Borne cet après-midi. Au total, près de 4000 victimes des deux côtés, israéliens et palestiniens. Les deux États se rejettent également la responsabilité d'une frappe aérienne hier qui a fait 200 morts sur un hôpital à Gaza. Plusieurs manifestations ont eu lieu dans le monde musulman. Le conflit entre Israël et le Hamas, justement, qui aura des raisons, peut-être raisons. De la nuit. NUPES, oui, l'alliance de la gauche à l'Assemblée nationale. À l'origine des propos de plusieurs cadres de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, le premier, refusant de caractériser le mouvement du Hamas comme étant terroriste. Le Parti socialiste a donc voté hier pour un moratoire sur cette union et suspendu sa participation aux travaux avec les autres groupes, insoumis, communistes et écologistes membres de la NUPES. Une position partagée par Stéphane Delautrette, député socialiste de la Haute-Vienne, même s'il ne ferme pas la porte totalement aux insoumis. La NUPES, telle qu'elle fonctionne actuellement, ne répond pas aux attentes de ceux qui nous ont soutenus dans cette union de la gauche. Ce qui est demandé, c'est qu'aujourd'hui, on se soustrait déjà aux propos et à l'ingérence de Jean-Luc Mélenchon dans le fonctionnement de la NUPES. Très clairement, aujourd'hui, il n'est plus le chef de parti de LFI, il n'est pas député et il fait des déclarations qui vont à l'encontre totale de ce que nous pensons. Ces derniers propos, nous les condamnons fermement, nous ne les partageons pas, et à partir de là, il nous faut maintenant travailler à une union de gens qui partageons les mêmes choses. Et parmi les députés LFI, il y a des députés qui se sont démarqués de ce qu'a exprimé Jean-Luc Mélenchon. Ces gens-là doivent être tenus à l'écart de la réflexion et de la construction de ce que l'on veut faire pour demain. Moi, je ne le pense pas. La suite de la NUPES, il en sera question demain soir lors d'une réunion publique à Limoges de la France Insoumise. La députée LFI de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain, viendra tenir un meeting. Elle sera d'ailleurs notre invitée demain matin à 8h15 sur France Bleu Limousin. Elle évoquera ses questions politiques autour de la NUPES. Alliance et accord de fond de la NUPES qui fonctionne encore en ce moment à l'Assemblée nationale pour le vote du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. La Première ministre Elisabeth Borne a déposé un nouveau 49-3 pour passer l'étape du vote, le 13e depuis le début du quinquennat. LFI et le Rassemblement national ont fait savoir qu'ils déposeraient une motion de censure. Et puis en rugby, le déplacement crucial pour le CAB ce soir en Normandie. Troisième et dernier match d'un bloc de trois rencontres. C'est à Rouen ce soir, lanterne rouge de la Pro D2. Dernier match aussi de l'ultimatum lancé par la direction après la claque reçue par Valence, reçu à Brive par Valence, promu de 3e division cette saison. Match à suivre sur France Bleu Limousin ce soir à partir de 21h. Des pluies la nuit prochaine, mais surtout en deuxième partie de nuit. Là, ça va se lever un petit peu ce soir. Demain matin, on aura donc des pluies, d'abord sporadiques, 13 à 14 degrés, pas plus. Et le temps restera variable demain matin avec des averses le matin, l'après-midi. C'est le soleil qui reviendra peu à peu. Mais on va composer quand même avec les nuages. Température demain comprise entre 17 et 20 degrés. La météo 100% locale avec Murprotec, numéro 1 de la lutte contre l'humidité et la pollution de l'air intérieur. Diagnostic de votre habitation offert sur murprotec.fr. Il est 18h05, on va retrouver eh bien, nos deux camarades, Dominique Bourdeau, Art de Carré pour le MAG 100% Rugby. France Bleu, le MAG 100% Coupe du Monde de Rugby, Dominique Bourdeau. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous accompagner sur toutes vos franges bleues pour ce MAG 100% Coupe du Monde de Rugby, dans lequel on va ce soir encore mouiller le maillot, même si le 15 de France a malheureusement trop tôt quitté la compétition. Et ce maillot, c'est évidemment celui des Bleus, fabriqué par le coq sportif, dont le PDG est notre grand témoin ce soir. Bonsoir Marc-Henri Bossier. Bonsoir. Et merci d'être en duplex avec nous depuis la maison de la radio. Donc nous, on va continuer cette Coupe du Monde de rugby avec vous, pour vous et vous. Est-ce que vous avez prévu d'être devant votre télévision ce week-end pour les deux demi-finales de la Coupe du Monde? J'attends vos commentaires en direct au 0810 055 056. Les Bleus du foot ont attendu bien longtemps, eux, avant de devenir champions du monde. On fera quelques parallèles avec l'un des champions du monde 98, Vicente Lizarazu, consultant football de Radio France, qui sera avec nous avant 18h30. Je salue notre spécialiste rugby, Arnaud Carré. Salut Arnaud. Salut Dominique. Un MAG 100% Coupe du Monde que vous suivez sur Noah, chaîne de France 3, disponible sur toutes les boxes et bien sûr sur francebleu.fr. France Bleu, le MAG 100% Coupe du Monde de rugby. Et là, on va retrouver Marc-Henri Bossier, le PDG du Coq Sportif, dans un instant. Mais l'actu du jour, d'abord, Arnaud Carré, elle est malheureusement plutôt en dehors du terrain. Oui, avec un contexte international pesant, avec l'attentat de Bruxelles en marge du match de foot Belgique-Suède. La sécurité était, Dominique, au cœur de la conférence de presse des organisateurs de la Coupe du Monde ce midi. Mais pour le président de France 2023, Jacques Rivoal, le passage en France du plan Vigipirate renforcé au niveau urgence-attentat ne changera finalement pas grand chose pour les deux demi-finales du Stade de France et sur les deux derniers villages rugby qui seront ouverts ce week-end à Saint-Denis et à Paris. Jacques Rivoal. On avait déjà des process qu'on avait mis à un niveau